À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Sneezy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Sneezy, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour le Planet Rap. Je croyais, il y a encore 5 secondes, qu'il ne serait pas là. Mais si, il est arrivé en courant. Bonsoir à tous. Mais avec ce gabarit de sportif. Non, mais je suis tout seul en plus d'ailleurs. C'est bien, regarde. C'est bien. Tous mes potes, ils sont en bas, ils sont pas encore arrivés là. Tu n'as plus de potes depuis hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous regardez le live, je pense que vous pouvez rigoler. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils m'ont tous abandonné, ils ont vu que ça avait pas marché. Ils ont dit putain, l'album, ouais, super, rien du tout. Bon, tout va bien? Ouais, mortel. En pleine forme? En pleine forme, on va encore défendre ce caca, tu vois. Et bah, c'est un super beau caca, j'ai envie de te dire. C'est un très beau caca. Avoir bien mangé. Un super caca. C'est ça, un super caca. Ah, monsieur Lowe. Hologramme Lowe, tout Hologramme Lowe qui est là. Et David Simon. Ou Robert Pires. Année combien on avait dit? On avait dit 98. Shout out à mon gars Robert. L'époque de champion du monde. On peut revenir sur ça. Je voudrais m'appeler Robert Pires 2004. Si c'est possible de négocier. Ah, celui à Arsenal. Comme tu veux. Et big up à Robert Pires. On a pas. Monsieur. Gard Alpha One qui vient d'arriver aussi. Monsieur Hologramme Lowe, qui est Invincible Man. L'ancien. Bon, l'équipe est en train de se former en tout cas autour de toi. C'est ça. Et le projet qui est sorti lundi, ça va, tout va bien? Tout va bien. Est-ce que tu kiffes? Je kiffe à fond, c'est mon premier projet, je suis heureux, je suis en bonne santé, donc je suis heureux. Et bah, c'est le principal, on va découvrir encore ce soir le projet, on va en parler évidemment. On va pouvoir découvrir des morceaux inédits, peut-être du live, du freestyle. Live, il y a des invités assez surprises. Des mecs qui pèsent? Des mecs qui pèsent ça. Des mecs qui cliquent sévère ou pas? Des mecs qui cliquent sévère et des mecs gauleries aussi. C'est vrai? Bon, et bah restez avec nous en tout cas, on va passer une bonne soirée avec Sneezy. Le hashtag, c'est Sneezy sur Skyrock. Vous posez vos questions aussi à Sneezy, hein, n'hésitez pas si vous voulez lui demander, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait te demander qu'on t'a pas demandé? Parce que là, tu fais plein d'interviews. Qu'est-ce qu'on va faire le truc dans le sens inverse. Qu'est-ce qu'on te demande beaucoup? On me demande beaucoup. Qu'est-ce qu'on te dit beaucoup? Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus? Est-ce que ça t'a pris du temps pour faire cet album? Est-ce que t'étais pas un peu dans le flou quand t'étais plus avec tes potes pour le faire? Tous ces trucs-là, tu vois. Tous ces trucs techniques. Mmh. Et voilà, c'est tout. Hein. Après, ce que j'aimerais qu'on me pose, je sais pas. Non, c'est quoi la question? Quelle est la question que t'aurais aimé qu'on te pose sur cet album? On me dit dans l'oreillette, combien tu pèses? Combien tu pèses? Alors, est-ce que c'est en kilos ou en argent? Ou en argent? C'est pas la même chose. Hein. Les deux. Alors, en argent, pas grand chose. Et en kilos, pas grand chose non plus. Ah, Dooms qui s'installe aussi, qui est sa place habituelle. Mandrill. Voilà. Yeah. Mon assistant. J'étais en bas parce que le taxi, big up à lui, il a ramené le téléphone de DJ Lo. Ah, qu'il avait perdu. Qu'il avait oublié. Mortel. Et bien vous savez tout des coulisses de cette émission. Tout ce qui se passe à n'importe quel moment, branchez-vous. Yes. Si vous suivez en permanence Sneezy sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait pas, ben voilà, il y avait un portable de disparu, on l'a retrouvé, donc tout va bien. On peut donc attaquer ce Planet Rap avec la coupe? Yes, la coupe. Allez, c'est parti, c'est extrait du projet Super qui est dans les bacs depuis lundi. Allez, pécho ça. Par exemple, si on veut le télécharger, on peut cliquer maintenant, non? Bien sûr, sur iTunes. Et on l'a tout de suite. Exactement. On peut passer un long week-end, puisqu'il y en a certains qui vont passer un long week-end. Très long week-end. Avec le son de Sneezy. 12-01-92, je suis pas arrivé au bon moment, dites-moi. Les gens ils refont comment, je sais pas, mais ma maman avait besoin de flous. Les repas organisés par la mairie, les cadeaux de Noël de la cave, je lui ai promis un château quand j'aurai de la maille. Et qu'un jour on irait vivre en Amérique. Je veux lui rendre sa jeunesse si c'est négociable. Dur d'accepter toutes les aides sociales. Elle m'a interdit de faire le pauvre, elle m'a toujours mené vers le haut. Ma daronne c'est mon ballon d'hélium, elle connaît la suite comme un médium. Elle a jamais fait la comédienne, c'est la plus mignonne des lions. Elle restait positive quand on touchait le fond, elle reconstruit même quand tout s'effondre. Je me rends compte de son courage en grandissant, séparé de sa famille pendant 10 ans. On était ses seules bouffées d'oxygène. J'ai jamais vu de femme aussi belle. Elle prenait seule son petit déj, surmontait seule les galères de la vie quotidienne. Même si ton prochain n'a pas très faim, elle m'a toujours appris à partager le pain. Pour le paradis elle a son aller simple, elle nous a élevés sans jamais se plaindre. J'avais 2 ans quand ils se sont séparés, elle n'a jamais retrouvé l'amour. Le passé est impossible à effacer, donc pour ma mère je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Soulever la coupe, je dois soulever la coupe, je dois soulever la coupe pour moi je dois soulever la coupe. Elle m'a donné sa bénédiction, elle m'apaise comme un cessez-le-feu. Je veux exaucer ses vœux, le soleil, la lune, décrocher les deux. Dans le brouillard on a passé tant d'années, je me rends compte que ma mère est légendaire. C'est elle qui m'a toujours dit laisse les gens parler, et s'ils sont mauvais laisse les gens faire. Dans ce paysage gris, c'est mon coin vert, jamais loin d'elle, je vais prendre soin d'elle. Elle préférait rire et rester digne, elle nous a toujours caché ses points faibles. Elle m'a appris à baisser les armes, coûte que coûte, je vais la rendre fière. Je vais sécher ses larmes, grâce à ma réussite, je vais enfin lui faire prendre l'air. Je dois soulever la coupe, je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? C'est la coupe à l'instant, c'est extrait de l'album de Sneezy qui est dans les bacs depuis lundi, super à l'instant. Yes, un morceau sur ma maman. Et j'ai balancé sur YouTube aujourd'hui un morceau qui s'appelle Dieu merci, qui parle justement de mon père et de ce que j'ai vécu. Il y a la face A, la face B. La face A et la face B, c'est ça, t'as tout compris. Voilà, avec vous pouvez aller le pécho, le checker, le maté. Et le pécho aussi. Mais là, restez avec nous tranquillement puisqu'on va passer une soirée encore avec Sneezy, avec des invités. Non, un petit mot quand même sur ce symbole qui est la coupe. Toi, la coupe, c'est quoi pour toi quand tu dis soulever la coupe? La coupe, c'est juste rendre ma mère fière en général. Et oui, il n'y a pas un titre en particulier, pas un disque d'or, pas un... Non, c'est pas une question de chiffres. Ma mère, elle est pas matérialiste. Non, elle t'a pas dit putain mon petit, il faut que tu fasses 100 000, hein. Non, elle est pas du tout dans ça. Elle sait même pas, elle calcule même pas ces trucs-là. Non, c'est juste la rendre fière, tu vois, c'est ça, soulever la coupe, qu'elle soit fière. Après de son toutes fils. Les conneries que t'as fait, quand même. Ouais, tranquille. On a été sages. Quelques conneries. C'est ouais. Pas ce qu'on m'a dit. Hein. Bon, tu veux présenter les invités. Donc, il y a Dooms, on le salue, qui est là aussi. Ouais. Qui est en pleine forme. Captain Fremont. From Super Sound. Yeah. Et puis un autre invité qui est là avec un bob magnifique au-dessus de sa tête. Hein, qui est ah, vraiment... tu clashes direct, quoi. Non, mais. C'est gradure. Voilà. Putain, je l'ai pas reconnu. Il a maigri un peu. Gras faible. Voilà. C'est grave. Ça va vous pas, les gars, en forme. Bon, c'est un mec qui est quand même assez incroyable. Il s'appelle Mr. V. Est-ce qu'on dit Mr. V, Mr. V, c'est Mr. V, c'est ouais, américain. C'est une carrière qu'un riz, hein, c'est ça. Hein, c'est... Ouais. À ne pas confondre bien sûr avec Inve. Ah, voilà, ça commence. Ton frangin. Non, mais ok, on parle de Bob, voilà, gradure, maintenant Inve, ok. Ton frangin, c'est pas grave. C'est un cousin, ok. Ouais, Mister V, lui, il est quand même incroyable. Hein. C'est pour moi c'est le plus drôle de sa génération, des mecs qui font ses vidéos sur Internet. Ah, il y a des vidéos qui sont incroyables quand même. Ah, c'est gentil, copain, merci. Il est très drôle. Il est très fort. Il est payé pour dire ça, par contre. Il est drôle en vrai dans la vraie vie. Il est drôle en vrai. Il est drôle sur scène aussi, parce que je sais pas si vous avez vu le Whoop, notamment. Whoop Gang. Voilà, qui était à Paris, mais vous partez en tournée aussi. On repart en tournée et on sera de retour à Paris pour le Bataclan du 24 au 28 octobre. C'est lourd quand même. C'est trop fort. Non, mais en plus. En partenariat avec Skyrock. Bah, voilà, donc je le place. J'allais dire, c'était évidemment un spectacle Skyrock. On ne pouvait pas faire autrement. Non, en tout cas, c'est vrai, il y a une nouvelle génération de gens qui sont fait connaître par Internet, par le biais d'Internet aussi. Ce qui est le cas aussi. D'un 995. Un 995 aussi. Ouais, entourage, etc. Ouais, bah, c'est un truc que moi je remarque, et quand je pose des photos notamment avec eux, les gens, c'est vrai, on a grandi un peu en même temps sur Internet. Et, ouais, c'était au même moment. Il y a un mouvement commun, quoi. Tu vois, l'humour, la musique, et du coup, toi, c'est bien parce que ça se retrouve après, quoi. Toi, justement, sur les premières vidéos, tu t'attendais à des chiffres, à une coupe en particulier ou pas? Tu disais, bon, va faire combien? 500 vues, 1000 vues? La toute première que t'as balancée? Ah, ben je savais que ça allait faire 1 million. Non, j'ai gagné. Non, absolument pas. Humilité, tu peux jamais te douter de ça, en fait, parce que quand tu commences, moi, quand je faisais 50 vues, j'étais déjà content parce que j'avais partagé à 3 potes sur MSN. Mmh. Et d'un coup, je voyais écrit 50 vues. Exactement, c'était la même chose pour nous. C'est chaud. Tu me rappelles, moi, j'avais l'impression d'avoir ses pairs en ayant fait 700 vues avec un. C'est vrai. Je te jure, je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable. Il se passe un truc. Ça y est, là. Il se passe un que truc. Les premiers 200 vues. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Le 1000, moi, tu prends la grosse tête. Quand j'ai commencé à faire 10 000 vues. Ça, c'est des choses. Ah, bah c'est. Là, tu dis putain, merde. On a cliqué 10 000 fois sur la vidéo. En fait, quand tu commences à faire 10 000 vues, tu dis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a un endroit avec 10 000 personnes, c'est quoi? Et tu compares à ça. Il y a Bercy, c'est presque Bercy. Et tu te dis, voilà, bah t'as fait ça. C'est plus qu'un zénith. C'est fou. Voilà, c'est entre un zénith et un zénith. Quand tu penses, c'est chaud. Mais bon, on était loin de là. Maintenant, c'est combien? Dès que tu postes une vidéo, c'est combien? Sur YouTube, ça va aller entre, je vais dire, 5 et 10 millions. Ouf! On est sur des chiffres assez américains. Je sais pas si il y a un stade assez grand pour autant ça, mais en tout cas, ça c'est cool. Ouais. Bah écoute, c'est mérité en tout cas. Ouais, c'est mérité. Ah, merci à la famille. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Il y a une nouvelle génération, il y a un nouveau souffle, un petit peu comme vous aussi. Ce que ça porte avec l'album, il y a aussi un nouveau souffle. C'est vrai que ça fait du bien. Un nouveau souffle. Voilà. Merci, Doun. J'attendais pas moins pour illustrer ce que je disais à l'instant. Tes paroles en images. Alors, la rencontre entre vous deux, c'est quoi le lien? Ce qui fait qu'à un moment vous vous croisez? Je me rappelle qu'un jour, je crois que c'est pas la première fois où on s'est vu, c'était à mon anniversaire. Il y a 2-3 ans. Si, je m'étais accouché à son anniversaire. Bien joué. À sa soirée d'anniversaire. Mais à l'époque, je pense pas que vous. C'était où? C'était dans un endroit sombre. Ouais, très sombre. Ils avaient clippé. Ouais, on avait clippé The Moto là-bas. Le moto de remix de The Moto. Ouais. Et j'avais rencontré toute la bande, ouais, à ce soir-là, mais genre, ouais, c'était à l'époque. C'était en 2011. Et en fait, tiens, regardez, on a une. Ah, bon, c'est passé, c'est dommage, sur les écrans, on avait une bite. Ça, voilà, c'est Yax. C'est Yax. En fait, à ce store-là, je sais pas pourquoi, sur Yax, qui est une des applications Skyrock qu'on peut télécharger gratos, ça balance des trucs chaud, quoi. Ouais, bah, c'est toujours entre 20h et 21h. Je sais peut-être, c'est parce que c'est mon planète rap à moi aussi. Ouais, ça fait plaisir. On n'a pas vu de string encore, désolé. Balancez-nous des strings. Pour les mecs. D'accord, on va arriver. Donc finissons donc sur cette soirée. Sur cette soirée. Et c'était, ouais, premier truc que vous échangez ensemble, c'est quoi? C'est salut. Moi j'aime bien ce que tu fais. Tu aimes bien ce que c'est je fais. C'est une photo. Non, lui il savait pas ce que je faisais. Ah. Moi je suivais déjà à l'époque. Et puis après, bah, c'est avec les réseaux sociaux. Chacun ouais, peu le a temps. Vu l'autre. On s'est croisé 13 000 fois. En soirée. Et après, on s'est sérieusement connecté. Bon, alors le seul problème, j'ai envie de te dire, Sneezy, dis-moi, c'est que le mec arrive dans le rap. Ah, mais c'est pas un problème. Ça devient un concurrent. Ouais, mais il y a de la place pour tout le monde. Si le mec est sérieux et s'il sait faire son truc. On essaye. Il nous a déjà fait écouter certains trucs. Déjà, même ses trucs, quand il le fait en gaulerie, bah c'est validé. Donc tant que c'est bien fait. Qui t'appelle? Qui t'envoie un message? Ah non, c'est un pote à moi qui voulait, non, qui voulait venir et il m'a pas donné de nouvelles à temps. Bah il peut venir. Ouais, bon ok, bah il va. Tu peux venir si tu nous entends. Bah Nelson, si tu veux venir, vas-y, viens, je t'attends. Voilà, 37 bis rue Grenette. Ah, bel mec. Non, juste non, ouais, pour finir là-dessus, c'est vrai que t'arrives, toi, il y a un album qui arrive, un album sérieux en plus. Sérieux, c'est peut-être pas le mot, mais disons que c'est pas un truc où je vais faire des blagues tout le temps à toutes les deux phrases ou alors jouer un personnage. Ça va vraiment être un truc où j'ai envie de rapper, tu vois, j'ai envie de montrer que je kiffe. Mais ça veut dire que t'avais rappé aussi avant toute cette série de vidéos, tout. Avant, j'ai commencé, avant de faire des vidéos, à faire du purin. J'ai commencé, mais j'avais. Sous quel blaze, t'avais quel nom? Et j'étais très très nul, mon nom. Parce que là, on a mis sur vie, donc je m'appelais Ice, et en fait, j'avais écrit Y'CE. Donc le truc qui est déjà impossible à trouver si tu le cherches sur Google. Ça tu fait vois. Quoi, ça rend... Jamais j'allais être bien référencé, c'était mort, tu vois. Ouais. Et le deuxième, c'était Vico. mais V-I-C-K-O. Comme les chips. Voilà, allez, voilà. Heureusement, je l'ai pas gardé, c'est bon, j'ai mis toute ma vie. Donc voilà, mais voilà, c'était les bases de base. Et à l'époque, c'était très très faible. C'est-à-dire que c'était un rap qui était. Il y a des trucs sur internet ou pas? Non, ça n'existe plus, c'est chaud. C'est introuvable. Fab, vous pouvez tout chercher. De Fab, cherchez-moi du Ice dans tous les sens, si vous voulez. Ou du Vico. Éventuellement, un Vico qui traîne. Ça a été. Le Skyblog. Cherchez sur Skyblog. Non, justement, il y avait un Skyblog. À l'époque, je faisais des 1000 écoutes et c'était fou quand même. Ah ouais, Vico a eu une carrière. Donc là, tu reviens dans ta carrière initiale. Et il y a un album. Non, mais il y a quand même une date de sortie parce que généralement, on dit, je sais pas trop quand ça sort. Ça dépend, indépendant, machin. Disons, j'ai envie de. C'est pas encore def, c'est pas encore officiel, mais ce sera aux alentours du 21 septembre. C'est voilà. Une très bonne date. Bam, c'est lancé. À chaque fois qu'on a fait des. C'est assez précis quand même. À chaque fois qu'on a fait des Urban Peace, c'était aux alentours de cette date-là, donc c'est une très bonne date. T'as ta place à. Donc le Stade de France prochainement pour toi, je te l'annonce. Ah, ça sent le Stade de France. Ah bon, je sais pas. Aïe, aïe. Lourd. Bon, et ben, peut-être qu'on t'écoutera rapper avant la fin de l'émission. Bah, pourquoi pas, écoute, c'est un son qui m'ambiance. On va le faire rapper. Avec plaisir. C'est toujours marrant. Un truc bien, tu sais, un 16, comme on dit. Ouais, un 16, t'inquiète, je connais les termes. Balance ton 16. Balance ton 16, refrain. Bon, bah, ça fait plaisir de t'avoir en tout cas, Mister B, avec nous entre 20 et 21. Et puis un album que t'as apprécié parce que j'ai vu que tout de suite, toi, t'as envoyé un message justement sur les réseaux sociaux. Ah, moi, je bouge de la force. T'as dit Sneezy, allez donner de la force à Sneezy parce que l'album est. J'ai énormément kiffé le fait que dans son album, il essaie d'être très éclectique. Enfin, il a été très éclectique. J'ai beaucoup aimé des titres comme À la fois ISF ou encore Envie d'elle, tu vois, qui n'ont rien à voir. Blackout, trop kiffé. Et la prise de risque, j'aime. Donc ça fait plaisir. Et je trouve que, tu vois, dans 995, chacun a sa personnalité. Et sur les solos, ça se voit de ouf. Et je trouve ça vraiment fort parce que quand ils s'unissent, bah, c'est en mode Power Rangers. Et c'est ce que nous, en fait, on retrouve aussi sur scène avec le groupe. C'est que voilà, quand on s'unit, on forme le Megazord. T'as vu, toi, le spectacle du Non, j'y suis pas allé. Je devais y aller dimanche ou il y a deux semaines. C'est mort, là, pour l'instant. C'est mort, mais t'inquiète, je vais aller au Bataclan. Right. C'est à la rentrée hein, au mois d'octobre. Je serai là. Voilà, du 24. Je serai là. En tout cas, je me prends toutes les vidéos et on kiffe. Right. Alors attends, quel morceau tu pourrais mettre justement par rapport à ce que disait Mister V pour illustrer un petit peu ce qu'il disait. Bah, ISF. Un morceau éclectique. ISF. Moi ISF. J'aime bien ce morceau. Ouais. J'ai envie qu'il se le prenne. Brahim, les gens de Sky. Je connais Brahim, c'est le refrain. Ouais, je connais Brahim. Voilà, moi aussi, je connais Brahim. Et c'est ça. C'est sur l'album Super. Album de Sneezy qu'on découvre cette semaine. Bang bang. Super sound. C'est rien, restons honnêtes. J'ai déjà acheté une maison au bled. On a déjà géré tous les pains dont vous rêvez. Donc nous vous laissons nos miettes. Est-ce qu'on se projette? Question trop bête. À 25 ans, je vais payer l'ISF. J'ai reçu l'appel d'un certain monsieur Hollande. Je me demandais qui était-ce. Je dis Hamdoulilah, je me suis jamais plaint. Pourtant, même quand je mangeais au resto du cœur, j'ai jamais été riche, tu crées trop de rumeurs. On s'en bat les couilles de tes sauts d'humeur. J'ai connu la PRS, mais j'ai pas besoin d'en faire mon fond de commerce. C'est honteux, mon frère. Ces rappeurs me font trop tiep. Restez entre mauvais tant que les bons se connaissent. J'ai les joues creusées, j'dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Que les grosses coupures et la haute couture. Gros joint d'herbe, j'ai mes potes soupures. Trop de joints et me faire des toffes toutes nues. Qu'elles m'envoient au préalable. Toutes ces salopes sont coquées à balles. Elles me grattent comme si je venais de choper la cale. Topé, je suis venu pour jouer la gagne. On va tous les hackers. Tous ces bâtards qui prétendent être la relève du rap. Tous ces rageux sont des rapaces. Pour toutes ces sales races, je lève le majeur. Je suis loin de mentir. Je signe plus un contrat à moins de 100 000. Je réinvestis le moindre centime. Négro, je suis tranquille. J'ai les joues creusées, j'dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Oh. Oh. ميناري يلا طيف خصمتي قدامنا ولكن ما راضيش ما باقيش تعاود واش باغي نعاونك تعلم كيفاش كنلعبو الكاراتيه كنغني للناس اللي ما عندهم والو كنغني للناس اللي ما عندهم تريال ولاد الكريان غير سمع صوتي كتعرفني خويا بلا ما تشوفني الوالدة خدمت علينا ولكن دابا جات نوبتي فاس جديد بوطويل نرجس بلا ما نقدم مغربي في الدم الا عندك شي راس خويا خدم كلشي غالي المغاربة كلهم قالوا لي راه انا واعر شكون اللي بغاني هما حشومة شكون اللي بغاني تا واحد كلشي غالي المغاربة كلهم قالوا لي راه انا واعر شكون اللي بغاني هما حشومة شكون اللي بغاني كيضحكوني كلهم كيضحكوني كيضحكوني كلهم كيضحكوني كيضحكوني كلهم كيضحكوني كيضحكوني كلهم كيضحكوني ESF C'est extrait de l'album super de Sneezy. L'ancien. Grosse prod de mon gars Jizzle. For real. Très gros son celui-ci aussi. Ouais. Yes. Mister V est là avec nous. Mister V, qui peut nous faire la traduction de ce que disait Sneezy dans cette langue arabe que tu maîtrises hein. Alors il y avait Je connais Brahim. Oui. Voilà. Bien sûr. Kaïda Harkoni, ça veut dire quoi Ça va toi Ouais. Kaïda Harkoni, en gros, ça veut dire ils me font tous gaulerie. Voilà, ils me font tous gaulerie. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup aimé ce son-là aussi. C'est un de mes préférés de l'album. Gros coup. Tu ne ferais peut-être pas question. Ça l'émission de. Je finis. Est-ce que je peux avoir un autre verre, s'il te plaît Un verre de quoi Comme toi. Ben, je sais pas, on m'a apporté un verre rouge. Je veux comme toi. T'étais baron, toi, quoi. Relax-toi. Je rentre pas dans ces endroits, Sneezy. Allez. J'ai un problème pour rentrer. Tu fais cadreux. On va revenir dans quelques minutes. Il y aura du live, donc on attaque le live aussi rapidement ou pas Ouais, parce que tu m'as dit il faut beaucoup de temps pour le live. Ouais, il y a des gros rappeurs ici. J'ai vu FG, non, j'ai pas rêvé, j'ai vu FG. Bien sûr, il y a FG. FG qui est, bah voilà, derrière. Et il y a aussi Cyrine Boulanoir qui vient d'arriver, si on peut lui le laisser parler un peu. C'est le mec qui. Aïe. Et c'est celui surtout qui va nous balancer le pitch du film. Exactement, et c'est pour ça qu'il est là. Il sera tourné. Bonsoir. Alors par contre, Cyrine, si ça ne vous ennuie pas, je balance la pub parce que c'est bien de faire du teasing avant. Donc dans un instant, vous saurez tout sur le film que prépare Sneezy. Tournage. Cyrine Boulanoir et Sneezy sera dedans, c'est tout. Bien sûr. Aïe. C'est déjà ça. Vous saurez tout. Tout, le tournage, quand, quelle heure, la date, le lieu. Et surtout le pitch. Exactement. Ce sera après la pub, ne bougez pas, on revient juste après ça avec Sneezy. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Sneezy pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Sneezy. Avec Sneezy et Planet Rap Sneezy. Cette fois, je la kiffe. Toujours d'année, je la kiffe. Et voilà. Mr. V aussi qui est là avec nous ce Exactement. Soir. Exactement. Mr. Qui fait v. les voix des génériques voilà, de c'est Skyrock. Moi. Ouais, bah, c'est moi. Écoute, peut-être qu'on en parlera à Manu. Hein. Écoute, pour qui est la voix officielle de Skyrock. Donc pourquoi pas. Ah, je savais pas que c'était toi. Allez. Mais il est pas là. Manu, ah, je croyais que c'était. Mais non, c'est Fab ça. Excuse-moi. Tu crois qu'il a deux noms en fait C'est comme toi c'est en fait. Ouais, c'est Manu, Amine, Gary, quelque chose non Oui. Voilà. Bon voilà. Tu il fait beaucoup de voix, Manu. Oui, voilà. Voilà vous l'entendez plein, sur plein, j'entends dans plein de doublages. Il est très fort. On le salue d'ailleurs. Il est pas là, Manu. Non. Sinon, on vous l'aurait présenté. Il serait venu faire un jiggle en direct. La prochaine fois. Quand tu reviendras pour ton Planet Rap au mois de septembre, hein, Mister V, puisqu'on rappelle que tu sors un album. Est-ce qu'on va me laisser faire un Planet Rap avec Je pense que ça Alors, va le faire. Hein. Pour toute négociation, c'est la porte en face. Monsieur Bounot, le bureau vitré. N'hésitez pas à frapper, c'est là où ça se passe. Juste avant de passer au freestyle et toute l'équipe qui est là, je vous présente Kamel de Lyon. Salut Kamel. Allô. Ça va Kamel Salut Fred. Bien quoi. Ça va Ça va Salut. Bonjour Kamel. Tu connais Sneezy, tu connais Mister V, Dooms. Ouais, si. Il connaît tout le monde. Ah, on est là, frère. Est-ce qu'on est prêt pour le freestyle par téléphone maintenant Vas-y, ouais, je suis prêt. Allez Kamel, c'est parti. Voilà. Allez, crache du feu Kamel. Donc là, c'est a cappella. Il y a mon EP qui sort en septembre aussi. Ok. Bah, ça va être dur face à Mister V, ouais. Allez, on t'écoute. Un premier morceau qui s'appelle 94. Voilà. 94 Brrr yeah. Voilà, un deuxième morceau, maintenant je vais vous faire un deuxième morceau. Oh putain, t'es trop chaud. Attends, donc ça c'est le premier morceau 94 hein. Ouais, attends, je vais te faire 93 là. Ah bah vas-y. Vas-y. Voilà, en hommage à mon poids. Ah ouais. 93. Eh, franchement, il est super lourd. Celui-ci est même d'ailleurs plus lourd que 94, j'ai l'impression. Il y a une profondeur dans l'écriture. Alors après, Kamel, on va où? Bah là, on bosse sur 91 avec mon équipe, on est en studio. Aïe. Ok, ok. Ça va donner un truc comme quoi? 91. Il y a une variante. Il y a l'autotune, je crois, sur celui-là. Et vous allez faire un petit bonus 90 ou pas? Non, ça faut payer, frère. Donc alors, Kamel, on... Elle a fait roulette. D'accord. Merci. En tout cas, Kamel. Non, mais c'est qui? C'est un des mecs du Whoop? Non, c'est pas. Même pas. C'est bah... qui? Kamel, t'as pas reconnu la voix? Allô, non, Kamel. Non, pas Kamel. Non, je sais plus, on l'a plus reconnu. Non, mais je crois que c'est Kamel Bentala en fait. Ah, escroc. Elle marche toujours cette blague. Ah, bien vu, j'avais Malik. Malik. Malek. Salut. Salut les loulous, je ne pas du tout dans l'ambiance. Salut les loustiques. Malik, mon poste, tu es un vrai salaud. Tu es un vrai salaud parce que avant tu venais dans le studio, maintenant le mec a plus le temps. Non, il est a là. Plus le temps. Il est par téléphone. Tu es où, Malik là? D'ailleurs, tu es tellement loin que tu es. Je crois qu'il a raccroché, hein, il n'a pas le temps. Il n'a plus le temps pour WAM. Ah, il va monter sur scène? Ouais, t'es où, Malik? Je suis à Besançon, frère. Ah, Besançon, trop fort. Je me devais d'appeler Sneezy, est-ce que vous êtes au courant? Il connaît son père, c'est une mascarade, c'est de la com. Son père est ambassadeur marocain, il l'a déposé devant le Planète Rap en BMW. C'est de la com, frère. Non, il a raison, il a raison. C'est blindé. Et alors sa mère, tu connais aussi ou pas? Voilà, parle bien, mec. Non, non, respect. Frère, tu veux pas faire Planète Jazz? Arrête avec Planète Rap, frère. Mets-toi un velours, une petite moustache. Canapé, Monsieur Drucker. Rendez-vous pour la prochaine saison. En effet, tu as raison, Malik. Prochaine saison, fin août, Planète début jazz. Septembre, on va tenter un truc. Non, ah, plus sérieusement, Fred, avant que je monte sur scène, je tenais à dire, moi, c'est mon pote Sneezy. Derrière ses sourcils se cache un artiste en or. Derrière son nez aussi. Et vraiment, derrière ce pif se cache un mec mortel. Et l'album tue vraiment, vraiment, vraiment. Merci, et il sait quel est mon morceau préféré de l'album, si on peut le passer. C'est lequel? C'est Envie d'elle, je crois, non? Envie d'elle. Envie d'elle. Ce morceau. C'est très bon choix. L'arabe Malik, très bon choix. Très bon choix. Hein. Très bon choix. C'est mon côté fragile un petit peu. voilà, donc. Rebeuf donc fragile. Envidel, merci, mon achetez l'album, dédicace à tous les gens qui écoutent Sky, à toi Fred, à Mister V, à Doom, Escrew, l'entourage. Non, non, non, Malik. Ouais. Mister V, le mec est aux States déjà. Donc Mister V, s'il te plaît. Ah, il a dit Mister V. Mister V. Ok, on va parler. Non, tu vois, Mister V. Il s'appelle Pierrick dans la vie. Non, j'y conne. Bon, il y a que des bons gars autour de la table. Bonne émission à vous. Ça, Fred, change rien. Ça fait plaisir de voir ce mec parce que franchement, c'est. Voilà. Ah, c'est mon j'ai eu la chance de le rencontrer sûr. À l'époque. Il venait beaucoup dans Planète Rap. Ouais. Il voulait freestyle, il voulait tenter plein de choses. il a tenté plein de carrières. Il a tenté plein de carrières. Bon, il voulait freestyler. Machin. Footballeur aussi. Ouais, footballeur, ça marchait pas. Et en tout cas, voilà, il cartonne. Allez le voir sur scène. Malik, t'es où après Besançon? Il y a quelle ville? Besançon, après il y a Lille. Je suis à Lille, je suis à Lyon, je suis à Marseille. Mais c'est blindé. C'est blindé. Ouais, c'est blindé, ouais. On est cool. Même si le mot de passe à l'entrée, genre, on dit super, on peut pas rentrer, non? C'est pas possible. Si tu dis super, je peux débloquer des places. Et bah, tentez. Je peux débloquer. Merci mon frère. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. En tout cas. Avec plaisir. Achetez l'album, il tue. Vas-y. Salut les gars. Et à bientôt, Malik. Efface mon numéro. Vas-y, mon sauf. Ciao. Bah, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut applaudir Malik? Bravo à l'instant parce que. Il faut toujours, c'est la deuxième fois que je le fais. Il faut toujours applaudir et c'est vraiment un super mec en tout cas, Malik. Ah, c'est mon frère sûr. On habite pas très loin, on se voit tout le temps. Et on est très fiers de son carton, de son succès. Ouais, c'est un mec talentueux. Son spectacle au Bataclan qui est très très bien. Très bien. Super fort, Malik. Beaucoup d'avenir. Très bien en tout cas pour ce freestyle. C'est pour ça qu'il me disait ouais, il faut pas savoir à tout prix avant 20h20. Je te voyais un peu stressé. Mais pourquoi est-ce qu'il faut un freestyle à 20h20 précise? C'est un peu freestyle, même l'émission. Donc je me disais, il y a un coup dans ton loop. Bien joué en tout cas. Mais tu l'as reconnu, bien joué, Sneezy. Tu lui parles beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On met un morceau, on attaque le live après? Vas-y. Envie d'elle? Envie d'elle, alors. Ah, ça j'aime beaucoup. Vas-y, balance ça. Allez, Envie d'elle, c'est extrême album de Sneezy qui est dans les bacs. Après, freestyle. Je dis bâtard. Pour tous mes gars fragiles, on se prend. Assumez votre fragilité. Je dis bâtard. C'est le moment. Je suis tombé par hasard sur cette fille. Arrivée comme une éclaircie. Un jour depuis je ne sais où, pile entre deux rendez-vous, peut-être un site d'aller. J'ai bien vu qu'elle m'a souri, je lui ai souri aussi. J'ai compris que c'était le bon moment pour lui sortir. J'avais trouvé la meilleure des solutions. Elle voulait bien qu'on finisse à la maison. Passe par la salle de bain. Pendant ce temps je prépare le terrain. J'allume la cheminée, lumière tamisée pour qu'il ne manque rien. Elle me dit qu'elle se sent bien. Pas besoin de te faire un dessin. Je la tiens dans les mains. Je vais et je viens au creux de J'avais ses reins. J'avais trouvé la meilleure des positions. Qu'est-ce qu'on est bien quand on joue à la maison. Jusqu'au bout de la nuit, on échange jusqu'au matin. Le mélange de nos parfums, elle trouve sa diva. Elle en redemande jusqu'au bout de la J'avais nuit. J'avais si envie dès qu'elle me voyait venir. Vu son sourire, on n'était pas prêt de dormir. On ne se posait plus de questions. On sentait monter la pression. À l'instant, c'est un extrait de l'album Super de Sneezy. Ouais. Dedans, ouais. T'as une cheminée. T'as vraiment une cheminée ou pas? Une cheminée, dans le clip, il y a une cheminée. Mais toi, t'as une cheminée, chez toi? J'ai une cheminée. Mais je suis un bobo, hein. Ah, allez. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, 995, groupe de bobos. Ouais. Avec que des bobos à l'intérieur. Il est quand même fils d'ambassadeur. Fils d'ambassadeur. Bah, attends, Malik Benzala qu'on avait nous a confirmé en disant que tu es venu en quoi, en BM? En BMW, elle est encore garée. Avec en bas. Les plaques vertes. Celle de mon papa, bien sûr, que je connais très bien. C'est des trucs. Non, mais honnêtement, alors si on est sérieux deux secondes, c'est des trucs qui te font comment quand tu vois ça en disant ouais, c'est du rap de bobo, machin. Bah rien, moi. C'est des trucs qui te. Je fais pas du rap pour ces gens-là, donc j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas des bobos, hein. J'en ai rien à foutre des gens qui critiquent. J'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, tu commences à t'habituer au queutru. Je me suis pris les critiques pendant 2-3 semaines, ce genre de truc. Au début, quand tu commences, t'es pas vraiment prêt. Après, tu passes au-dessus. Hein. Tu sais, moi, je sais d'où je viens. Et si j'étais un bobo, je serais tellement fier d'être un bobo. Aujourd'hui, bah, en plus, les bobos écoutent des trucs tech de ouf, tu vois. De ouf. Et puis, c'est raciste, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux être bobo et un mec super bien. Hein. Ouais, mais je vous rappelle. C'est un truc. Déjà. Tu peux être chéri et être un très bon gars. Ouais, aussi. C'est ça le truc. Et tu peux être un vrai pot et être un fils de pute. D'ailleurs, je crois que la plus belle. Moment 20h30, ça commence à briller. Non, la plus belle punchline, je pense que c'est un mec, vous vous souvenez peut-être de Balavoine. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait dans un de ses morceaux en disant. À ceux qui croient que l'argent pourrit ma tête, je ne dis pas qu'il faut. Non, attends. Okay. Et voilà. Moi qui voulais faire le malin, loose. Putain. Et le mec. Allez, on applaudit tous, Fred. Oh là là. Merci. Oh là. C'était la dernière de non, Fred. Je la refais. T'es au bac français, mon. À ceux qui croient que l'argent pourrit ma tête, je dis. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Exactement. Oui, voilà. C'est vrai. Ça glisse tout seul, man. C'est de la punchline. Ouais. Il m'a fallu deux fois. Hein. À la deuxième. C'est tellement lourd. C'est ça, voilà. Le truc était tellement lourd que. Et l'inverse est aussi valable, hein, bien sûr. Exactement. Et l'inverse. Il y a des connards partout. Et il y a des connards partout. Exact. Bon, en tout cas, quand on écoute ton album, on comprend que ça n'a pas été non plus super simple. Ouais, mais tout va bien aujourd'hui. Et tout va bien, et tant mieux. Alhamdoulilah. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? On est prêt. On va faire rapper mon gars Ivic, mon gars Mr. V. Allez! C'est parti. DJ Lo. Super! Ok. Ok. Yeah, yeah, yeah. Super dans les bacs. Super dans les bacs. J'ai dit super dans les bacs. Super dans les bacs. Super dans les bacs. Et quoi? Un. Okay. Super dans les bacs. Super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super, super. Ok. Dis-moi pour qui tu te prends. On sert des meufs sur qui tu te branles. On sert des meufs qui ne vont pas à l'heure. On a des femmes et des baskets à l'œil. Tous mes sous font péter l'alcotest. On est plein, j'avoue qu'on est trop tardé. J'en ai rien à foutre de ton gros tarpé. Je vais faire le hlala, Selena Gomez. Est-ce que des meufs qui ont des airs de pute. Tu rêves de leur faire le cul. Ce que je préfère le plus, c'est quand ma secrétaire me suce. Ça fume, ça fume, ça fume. Bé, belle fille, je fais un aquarium. Sale pute, sale pute, sale pute. Je fais un selfie avec ta daronne. J'ai le pouvoir de faire agiter tes fesses. Je trouve que la vie est très belle. J'ai que ma semence pour maquiller ses chaînes. J'ai baisé toute la France comme Jackie et Michel. Tu braques l'épicier du coin. J'ai braqué les maisons de disques. Restons dignes. Si t'as esquivé mon point, c'est que t'as trouvé une raison de vivre. Salut à tous pour vos messages. Vous donnez de l'amour qu'on est censé vous rendre. Personne n'avoue être une grosse pédale. La plupart des rappeurs français vous mentent. Je compte plus le nombre de meufs à qui j'ai cravaché les fesses. Je sais pas si j'ai le sida, en tout cas je ferai jamais les tests. Vous rappez tous comme votre voisin de droite. Et le mec à gauche il rappe comme vous. Et le mec à gauche il rappe comme vous. Vous parlez tous de montre à 5 places. 5 motherfucking plaques. 30 dans un kangou. Vos pilules en farine et vous êtes des boulangers. Vous écoutez les infos que l'autre troupeau diffuse. Pour changer, t'as pas de plan A, t'as pas de plan B. T'es détendu parce que t'as ton plan C. On n'a jamais gobé toutes vos pilules. On est des nouveaux mais des nouveaux qui durent. Super, on est super. On est quoi quoi quoi. Super, on est quoi quoi quoi. On est super, ouais ouais ouais. Super, on est super, ouais ouais ouais. Super, ouais ouais. Super, ça fait super, super, super, super, super. Comme mon Monténégro. Bon, j'avoue, c'est pas vrai, je suis pas du tout méchant, je suis même pas du ghetto. Non. Ton daron, il a pas de cheveux. Depuis qu'il a 8 biches, on l'appelle monsieur. Il est tellement vieux qu'il a une 4 chevaux. Je connais bien les chevaux car j'ai la même queue. Les ongles, c'est comme des ballerines, c'est moche et l'odeur dedans est horrible. Je ramène des meufs au télo, je les ken et je regarde Toy Story. C'est bien de faire des beaux clips, mais ça vaut pas le coup si c'est pas audible. Y'a rien d'impossible, y'a pas que des tout bab qui peuvent être tout bip. On part en levée, faire des levées. Tu joues à ce jaune et gros, t'as déconné. C'est mon levée, mon cerveau a déjà tout encodé. Je préfère être fils d'esclave plutôt qu'être fils de maître. Mais pour moi t'existes pas, ouais t'es un fils de prêtre. Prêtre. T'es un fils de prêtre. Mr. V. Super. Super sound. Mr. V. J'ai plus d'air, bonsoir. Doumams. Gégé. C'est comment? On balance ça. On est chaud. Un négro. On est tous ensemble. Y'a pas de raciste ici. Crache le feu, dealer. Cheer. Jalou Beats. Tu veux tester mes salauds, ça fait banger saloon. Frère, si je t'allume, c'est que je suis prêt pour le salut. T'es pas de la mif. Parle-moi bifou, parle-moi de trophy. 10 kilos de weed, 1 kilo de cheat, le tout sera blanchi. On fume le matos, mes vatos vont brûler ces rappeurs. Ce sera du gâteau comme Rodcal, du gâteau d'éducateur. Vite teinté, grosse boisson, c'est la moisson, les moussons sont sortis. Miss Tinguette, rentre dans le VIP si tu veux changer de vie. Si tu rentres dans le lit, sache qu'on rentre dans le mien. J'suis un hot nigga, nigga va derrière moi, nigga you got nigga. Mon équipe pète les scores pendant que tu te fiches à haut. Robe Renoir, Bactou Chicano. Chicano. Tes négros soft, dont tes chichas roses. Suffit pas de pomper tous les rappeurs de Chicago. 16 par 16. 16 par 16. En quoi? Balance une merde, KLM. 16 par 16. Népal. Népal. Népal. Népal. Mir. Je suis une sorte de Rafiki. Dis à TMC de retourner danser, faire du graffiti. Je soutiens des gars, Mimi. Oui, j'ai un flow grave liquide. Torrent de mouillé, je les électrocute avec un raikiri. Ouais, je l'ancien, t'es méchant et fripé, on dirait Babidi. Flégon est faux à la race, un peu comme le boule Aniki. 7-5, on vient s'installer à long terme comme Ardidi. Le bail zéré, magnifique. Chavo Tahla, Martinique. Quand je suis pas en train de rimer, je regarde les postes bad bitches. Je suis un putain de pervers. Quand je roule, je deviens comme l'arrivée. Si j'allume même TV Pay, je vois que des sketchs comme Ali G. Ça presti, il me faudrait une carrière à la Patti Smith ou Maréchi. Frère, on te rend dans là, on fait pas de chichi. Dédicace à Lévi-Lève quand ça rappelle en place Kichi. Puis je regarde les alentours, puis je me dis qu'on n'est pas d'ici. Transition, tout fait qu'on parle d'audio family. 16 par 16. Si je fais mon billet, je l'aurais gagné 16 par 16. Les alcoolos qui pètent le pack 16 par 16. Les chauds la pointe qui partent, Paname fesse parfait. Vous rêvez d'être au top, vous êtes des négros soft. Ça arrive comme un électrochoc, négro, tu restes au sol. Je traîne avec des salopes qui ont des corps de rêve. Tu peines avec tes allocs, t'es sur la corde raide. Je réponds jamais à tous ces rappeurs, ils parlent à ma queue. Salam à eux, aucun compte à rendre à part à Dieu. Mon frère Odou Mams est un rap nègre. Il t'a sûrement déjà vendu de la drogue nègre. Pareil que t'as de la gouache et que je suis qu'un mikado. Je vais tabasser ta race, te mettre un petit KO. Tu prends quelques droits. Et puis tu quittes à gauche. Suffit pas de pomper tous les rappeurs de Chicago. Chicago. Ok, c'est le 95 UDNC Super Sound. Don Dada. Ok. Dealer. Dealer side, dealer side, side. Dealer side, side. Dealer side, c'est comment? C'est comment? Yo. Ok. Yo. Faire du bif sans te fracasser, easy life pour les bras cassés. Quitte la tête, c'est ma cap, c'est pour tous les macaques que j'ai fracassé. Non frérot, y'a pas de flic honnête, c'est pour mes gars sur de vitrée au bas connaissent. Les vrais connaissent que les villes commères, ouais ça c'est la street mais ils connaissent. Si y'a les larmes, négro, cache tes femmes. Si y'a ta go pour tout cache tes femmes, on va livrer la cam, c'est la vie dans le cas que des villes. J'ai pas la vie, crade tes femmes. La vie, le vent et le flow. Faut, tu manies mal les mots. Traite les clitos, lâche les clitos, pas chez les clones. Yo, sortir de la merde, éviter les stades de suicide dans la tête, ça va viser les tasses. Visite sur la sphère, ça va viser les bacs. Un plan cash, négro, passe le plafond. Faut que ça glisse dans les cartes comme le savon. Là, je suis à fond, je te ramènerai pas les stars. Je ne touche que le plafond. Pour braquer les tailles à mes gars qui le font. Bienvenue dans la cage que des braves et des faux. C'est toi le drone. Que des blagues équipées, bras. Braquer le trône. Rappel dans les bêches, tu vas mouvre à la stepping. Dans la cave du 3 de retour à la tétine. Je te la coquine. Guerre, j'ai rien de plus jour où je me suis payé ta fille. 1, 2, 3, 4, levez les bras. 3-4, levez les bras. 1-2-3-4, levez les bras. Busy baby. Ali. 1-2-3-4, levez les bras. 5-6-7-8, levez les briques. Puis semez les flics et posez les briques. 9-10-11, tous courez là-bas. Les filles savent tout, n'en doutez pas. La fille sait tout, baisse Dominique. Elle a le beau là-bas. Elle m'a dit tu me niques, mais trop timinique. Donc je n'en voulais pas. Comme Alejandro, non, tu l'es pas. Vous ne nous aurez pas, vrai négro comme M. Césaire. En des appoints, ne courez pas. Vous ne comprenez pas comment ne pas s'aimer sévère. La boisson vient des consommateurs de Pologne. La trahison sans l'eau de Cologne. Ces putes sont des menteurs, ils utilisent la langue de bois de Boulogne. Donne-moi du bif. L'Asie qu'on l'a fait nous-mêmes. Sûr que tu kiffes, busy busy phénomène. L'avenir j'en fais mon thème, je te l'ai déjà dit dans Mayday. Il n'y a pas de je t'aime, je te prie de m'excuser baby. Yeah, busy busy busy baby. Busy busy busy busy baby. T'as un autre truc mais allez pourquoi pas. Vas-y balance cette merde. Ok. La frappe est livrée d'avance en bas de la page, vous pouvez signer. Les meufs en club font de la danse, des viandes de grecs qui se font tourner. Sur Instagram, je suis installé, toujours à l'heure, même à l'instant T. Ils attendront le bruit de l'attentat, oui, je me fais chier comme un pauvre tadier, comme un gosse taré. Ils ont pas voulu de moi, et nous, ça va t'avoir fait des doigts. Leur analyse. Ah putain! JJ, c'était chaud. J'étais trop content et tout. Putain! Ascenseur émotionnel, négro. Yo! Yeah. Tout man. Anna! Yo. La première fois que tu l'as entendu, c'était chez Fred. Yo, Doumams. Tu peux me croiser au coin de la rue. Toujours à la vue de toutes ces putes qui veulent nous voir finir en garde à vue. Hashtag c'est dead, on a la rime cap. Ta pute, c'est l'invasion. Ouais, nickel les clones, on fera du sale, je t'assure. On roule des connous, les médigo, est-ce que tu captes ta vue? Et même les gars de ta rue viennent chez nous, puis tape la pure. Bande de l'eau, c'est pour une douce, très prêt à pep. C'est abusé dans mon coin de rue. C'est pas la même, t'as vu, tu verras toujours les mêmes gars. Pose pas de petite frappe, fixe sa petite asse. Pute vénale. J'aime les freestyles codés, il fait tout dans mon coin de vue. Pour comprendre mon point de vue, chute de pédale. J'ai pas temps pour les ondits, dès qu'un fucking fanatique. Fais pas passer pour un homie dans mon coin de rue. Plein de cul, ça donne au mic. Et j'en ai plein de cul, c'est un cul de paranoïa. Yeah, dealer Népal, balance un freestyle. Yeah. check. Oui j'avance quid afghan, quid à mon bivalent, j'ai une weed avance, quid à dos vite, plavant fuit, ta fond ricanant. Switch avant le beat, t'avant, tic ta fond beat, ta fond kick, ta front kick, sa faute nique, la flamme n'avant pas vampire avant. Tentative d'empathie, dans ma ville antarctique, envie d'en partir en partie, car clé mon patine en pratique. De bas trip en bas trip, fantalgique dans le body, représentatif dans Paris, je suis trop fantastique. On t'a dit, vie à l'occidental, tis à l'eau qui s'en tape, tire dans ta 10 ans d'âge mental dans les choses qui l'entament. Vire en trafiquant d'armes, 600 balles qui dansent app. Mise en garde, j'file en bas, nique un team, on va qui s'encrasse. Apprenti, terre Gandhi, attentif car quand il a grandi, a senti sa grande ville devenir Silent Hill. Ralenti, sois gentil, attends le shit, attends le dit. Non, tu n'es pas bon rappeur, Amandine t'a menti. Yeah, pour tous les murs, pour tous les conges, Nef Juice, est-ce que vous me recevez? Caballero, la Belgique, tout ça, tout. Ah, les corbeaux, l'entourage FG. Aïe, aïe, aïe, yeah, yeah, yeah, yeah. SNZ, super, allez pécho ça. Depuis lundi. On est dans le feu de l'action, testerait bien plein de trucs. Ils ont comme seule passion de péter un joint de plus. Mais sur moi, je te le rends au quintuple. Pour l'instant, je serre les dents pour éviter de serrer la ceinture. Ma team me guide de près, j'habite le 19ème. Naïf, j'étais jadis, j'ai déjà dit je t'aime. Désormais désolé, je veux de grandes sommes, que les dollars preuvent. Devenir des Richard Branson ou des Donald Trump. Tous mes honnards gueulent qu'ils veulent de l'oseille, mais ne foutent rien et ont peur de leurs problèmes. Jeune poète finira dans un rêve ou avec une balle dans la tête comme Kurt Cobain. Ils disent qu'il est temps que j'arrête, je m'en tape. Laisse-moi lire mes mangas, rester gosse jusqu'à 30 balais. Si t'abandonnes, y'aura jamais personne pour te ramener. Mais si tu crois en toi, alors tu peux monter une armée. Sans tout putain de rage. Personne veut taffer ou être cadre sup. J'ai des sons à faire, dans mon café je mets 4 sucres. T'es ma vis, mon bagou, si un bif ton j'accours. Chez ma tige, on magouille. Le business une jungle, on utilise toutes les lianes. Dans les embouteillages, j'en compte toutes les liasses. Faut que je me détende, je peux pas faire sans kicker de prod. Mon humeur dépend de ma quantité de drogue. What, what, si t'apprécies les rap précis. Tu sais que quand fall rap, tous ces clowns flippent comme des trapézistes. Mon feu nettoie les taches les plus jaunes. Je suis noir comme le charbon et je louche, mais je fais rêver les pétages les plus chauds. Les tasses sont chaudes, le pénis long. Fait qu'elles gémissent comme les joueuses de tennis font. Je me rappelle, plus du texte, le truc est succulent. Filiflingue, c'est ce qu'on veut faire, le truc propre comme des musulmans. Tue le temps, on tue le temps, filiflingue, je fais ça souvent. Toi-même, tu sais, j'ai un turban. Toi-même, tu sais, je cherche un pur plan. Y'a pas de problème, je suis alpha son, peinture blanche. Donc le truc est pur, filiflingue, viens du turfu. Le truc est dur, qui va enchaîner, qui va rengainer. La weed m'a gangréné, donc je commence à dégrainer. K-E-R-1. Tu croyais que j'allais l'admettre, j'allais faire le taf à ta place et me presser à la cafette. Tu peux canner, j'amène des palettes de balles pour la K-4-7. Truc de bar et je mets le but de l'année, mais je garde un sale caractère, je m'en tape. J'ai toujours été bien dans mes pompes. Toujours inspecté sciemment les choses, le diamant est sombre. La police s'interroge sur la présence d'un colis suspect. La cohue dans la ville vaporise du stress. Mais calme, j'ai tout ce qu'il faut. Coup de ciseau, limite schizo quand ça me change. J'prends la température sans apprendre tes signaux. J'écris trop en avance. Je sors le sirop du frigo, du primo dans ma chambre. Ces idiots sentent la chance, toutes et toutes. L'atmosphère est violente, à notre tour de faire les commandes. Dans un pareil tournant, ça me rappelle des moments où je patiente et où j'attends de trouver le jour où je donnerai des offrandes pour voir ma bande soudée. Où ta langue coupée courte, pas de problème, y'a vite aux manettes. Faut quitter notre planète et viser au travers de ces sales races. Ta vidéo s'arrête net, tes idéaux pareils. C'est pas grave, faut jamais se fier aux paraître. Ouais, 1 Jean 1 061 Infini dans ma fondation, Jean. Yo, ça dit quoi, Emilio? T'as rempli la piscine? Oh, monstre. Plein de billets violets. Tulofer. Dealer. Zin, j'arrêterai pas tant que j'aurai pas le Rolex sur le poignet droit. Tu croyais quoi? J'étais là quand tu me voyais pas. Zin, sud-est, 06, ça fait Zin. Okay. DBDBF, DBDBF, Zin. Yeah. Yo, ok, ok, Tijelo. Zin, j'arrêterai pas tant que j'aurai pas eu de Rolex sur le poignet droit. Tu croyais quoi? J'étais là même quand tu me voyais pas, enfoiré. C'est dans le silence que je bouge et que je planifie le moindre move pour pas me faire doubler bêtement par l'un de vous. Je veux faire plus de bif que corps escalpe. Un yacht sur un port d'Espagne, villa piscine, salle de sport, est-ce pas? Le monde, Chico, et tout ce qu'il y a dedans. Je suis venu tout rafler, je perds pas de temps et change l'histoire comme une putain de lucarne à la 90ème ou comme si Zidane était mort en 97. Zin, Gamba Fondation 06 hein, Sud-Est. Ne prends pas pour un pion, ma vie n'est pas un échiquier. Moi je veux rapper, kiffer, pouvoir vider mon chéquier. Personne ne peut me tester, j'ai plus d'atouts qu'au tarot. Ma plume est tellement pointue que je perce la feuille à carreaux. Je suis calé, info carré, déterminé. Je veux voir toutes les mains se lever, voir toutes les têtes bouger. Je deal du rap, mais rassure-toi. Hey. Non, y'a rien d'illégal. Mon son traite dans la tête comme une leçon grammaticale. Je veux pas me cacher comme un rappeur de contrefaçon. Et puis mon rap, ouais, y'a que ça de vrai. De toute façon, je mets pas mes mots sur la pesette. Je suis pire qu'un vendeur de hache. Pourtant, je suis un kicker en repère, mon pote. Faut que tu le saches, je suis meilleur que Godard. Jamais à bout de souffle, Dion de mes 13 piges, les MC, je les époustouffe. Y'a sous extac, tu peux voir la vie en rose. Chez Emma, 2015, cette année, mon blast dépose. Yeah. C'était la session live dans Planète Rap. Ah oui, bah oui, déjà, je suis désolé. Toujours. Je boycotte, mais c'est ma grande spécialité depuis 20 ans, je boycotte. Aïe. Mais on reviendra, demain, il y aura du freestyle. 20h50, maintenant, ça se finit. Attends, il faut que tu sois là à l'heure à 19h50. Désolé à tous ceux qui ont parlé. En tout cas, merci vraiment à vous tous hein, pour un gros live. Il y a des types qui sont venus au culot, que je croise de temps en temps aux séances des dédicaces. Et voilà, ils sont venus, ils ont essayé de rapper, nous on fait croquer. Le micro, il est ouvert pour tout le monde. FG qui était là aussi, Dooms qui était au micro. Dooms, Népal, Sai, le phénomène business. Et Mister V. Et Mister V. Mister V. Des trucs chauds, on l'a fait. Qui a lâché des trucs très très chauds ce soir, des dossiers, j'ai envie de dire, ce soir dans le freestyle. Bah non, c'est pas des dossiers, c'est un bon dossier. Bon, merci. Attendez, je veux que toute la France soit un putain de joyeux anniversaire à mon gars, va FG. Parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de FG. Joyeux anniversaire, FG. Joyeux anniversaire, FG. Toi aussi, chante devant ta radio. Joyeux anniversaire. Tous ensemble. Happy birthday. Il a 22 ans, 23 42. Tu sais pas quel âge j'ai, putain, 22 ans, 27 putain d'années. Ouais. 27 Les Pêcheux sont projet qui est sorti il y a à peine un mois, je crois. Exactement, et je suis déjà sur la suite là, ça va. Et ben merci FG d'être passé aussi. Merci Sneezy pour ce soir. Merci frère. Merci Mister V, on te retrouve sur scène. Hein. Yes, on revient avec le Whoop à partir du 24 octobre. Et qui a laissé son portefeuille sur moi, c'est moi, c'est moi. Ah, j'ai confiance en mes gars. Truc sérieux ou pas? Il y a des avances? Mais sale truc. Hein. Merci en tout cas pour cette soirée. Juste avant de se quitter, avant de laisser l'antenne à Diffoul, on va faire tourner rapidement la roulette. C'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Hero de ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Salut Inès de Bourges. Salut. Ça va bien Inès? Ça va bien. Gros Planète Rap une fois de plus. Hein. Tu le vis avec nous Inès. Tu es prête à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti? Ouais, je suis prête. C'est allez, dès que tu veux. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, le film sort demain dans toute la France. Mad Max, il y a non pas une ni deux, mais 5 places pour toi et tes potes. C'est pour toi, on t'envoie ça du côté de Bourges. Ah, merci beaucoup. T'inquiète, bisous. Ça fait plaisir. Ça, bisous Inès. Ça fait du cœur. Il y a Mister V? Oui, il est là. Bah salut Mister V. Salut Inès. Ça s'arrête là, voilà. Oui, dis-moi. J'ai une question. Dis-moi. T'as dit, tu viens à Bourges, on fait un petit basket. Je te dis à la misère. Allez, le défi est lancé en direct sur Skyrock. Inès, 16 ans. Allez. Je vois sur ma fiche. Oh, les problèmes. Désolé de préciser, Mister V, Inès, 16 ans. Mais, ça mais, sera pour, mais le pour un basket. C'est 4 saisons. Ah, mais non, mais. Oh. Un basket. Ça, elle a proposé un basket. Un basket, bah écoute. Allez, pas voir d'autres choses. On t'envoie Mister V à Bourges. Bisous, bah, Inès. Oui. Je rigole pas. Hein. Ben nous non plus. Ok. Bah, et lui encore moins. Ça fait peur, ça madame quand même. Merci à toi. La première fois que t'as vu la pédophilie, c'est sur Skyrock. Avant que l'on soit entièrement censuré, équipé et on espère finir la semaine Planète Rap. Merci Mister V d'être passé en tout cas. On rappelle les dates à Paris, le Bataclan, c'est quand? 24 au 28 octobre, Bataclan. Sinon, dans toute la France, le Whoop, pas loupé avec Skyrock. On essaye. Toute la France, toute la francophonie, le Benelux, tout ça, tout. Ouais. Merci Sneezy. Super. Demain Sneezy. Ouais, demain. À l'heure cette fois. À l'heure. Je te jure que je serai à l'heure cette fois. Merci Dooms, merci à tout le monde. On va retrouver Diffoul maintenant. Aïe. Vous faites pas le pont vous alors hein? Non, nous pas de pont, nous on est des rappeurs. Demain c'est pont. L'ascension d'ailleurs. Ah, on travaille. C'est l'ascension. Ce sera l'ascension. Mister V, c'est quoi l'ascension? Ah. Un peu d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on me demande à moi Diffoul spécialement? Il y a d'autres parce gens dans qu'on le connaît studio. Tes racines carrément. Ah non, moi je n'interviens pas dans Planète Rap, moi. Sauf okay. pour parler de mon nez, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, l'ascension. Ah, on arrive à la fin là, de l'émission, 20h54. C'est le temps de passer. Ah, le tu micro. Crois que c'est l'heure, ça y est, c'est fini. C'est l'heure, c'est fini, c'est mort. Ah, bah voilà, on a d'autres. C'est dommage, j'allais répondre, mais voilà. Bon, bah, ce sera pour demain, peut-être, on verra. Demain, Sneezy nous fera ça. Ouais, yes. Cours sur l'ascension, c'est bien. Bon, on va démarrer dès 20h demain avec vous, parce que c'est comme d'habitude, hein, demain soir. Un petit peu avant, même, d'ailleurs. C'est vrai, un petit peu tout avant. Petit peu avant. Je serai en avance. Ouais, c'est bien. Pour te rattraper, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est parti pour nous, en tout cas, on est là jusqu'à minuit. C'est parti avec. Bah tiens, Black M qu'on va écouter là tout de suite. Black M et Foutu Mélodie. Yeah, yeah, yeah. C'est bien Black M, vous aimez bien Black M, Mister V? Ah ouais. Bien sûr. Sneezy. Oui aussi. Bien Black M. Bien sûr, c'est la famille. Bah, Black M, bah, il arrive. La famille arrive aussi. Hein. La Marie est là. Aïe. Ouais. Marie commence à danser déjà. Ouais, danse. Imaginez, on parle sur un truc et Marie danse dessus déjà. Vous expliquez comment elle est bouillante. Je suis ce soir. En forme. Bon, bah, ça se voit. Bah ouais, bah, tu vois. Bon, nous aussi mieux. En forme. Romano s'installe. Ouais. Karim est là aussi. Samy. Yes. Il nous manque Cédric, mais on a son arrivée en direct dans un instant. Ouais, comme et Momo qui arrive aussi, qui est avec vous là pour l'instant. Il est là, Momo. Et puis le match à suivre ce soir. Eh oui. Youv. Ouais. Real de Madrid Real. Contre la Juve. Pour la Juve, Fredo. Il faut un classico. Ouais. Moi, c'est un classico en finale. C'est mes racines italiennes qui parlent. Sneezy, désolé, les gars. T'es pour le Real Madrid, ouais, à fond. Bah ouais, ça va être Cristiano. Dur, je sais, mais côté CR7. Mes racines italiennes parlent avant tout. On est partagé dans l'équipe aussi, on suit ça dans un instant. Juste après Black M, c'est parti pour la Radio Libre. C'est en direct sur Skyrock, puisque vous nous le disiez, il était 20h54, il est maintenant 20h55. Faut qu'on y aille. Ah oui, c'est logique. C'est parti. Direct sur la Radio Libre, en direct. Ciao. Ciao, à demain. Demain. Ils les appellent dans toute la France.